était comme un père pour vous, mais n'était-ce pas plutôt un homme qui dévorait allègrement les plus fidèles de ses enfants? Est-elle un dieu anthropophage? Passait-tu jusque dans l'esprit? Il se nourrissait de vos peurs, cultivant sciemment la terreur. Et toi là-bas, explique-moi, toi l'exploité, toi l'humilié. Il est mort, mais tu ne changes pas, tu continues à l'honorer. Ces idées de haine et de mort, il faut assimiler les masses, faire ainsi succomber les races. Il nous faudra lutter encore contre la folie et l'horreur, ne jamais céder au plus fort et garder toujours notre honneur. A-t-il rendu le monde meilleur? A-t-il mis fin à tes frayeurs? C'est à flot que le sang coulait, des mains de ces seigneurs terriens, sans qu'ils furent crimés par Paris au nom de l'idéologie. Vénère encore son mausolée pour une nouvelle fois défiler, et devant lui marcher au pas, ce mort qui te regarde pas, toi qui te réclames de l'inime, qu'as-tu fait de moins que Staline? Et ces mots dont on parle encore, ces idées de haine et de mort, il faut assimiler les masses, faire ainsi succomber les races. Il nous faudra lutter encore contre la folie et l'horreur, ne jamais céder au plus fort et garder toujours notre honneur. Et entre Vessis et Lanterne, seul restera l'incontinence de vos esprits, l'incontinence de vos esprits.